J'avais oublié, durant ma route, que j'étais malade. Je m'en souvins en arrivant à Montpellier. Mes vapeurs étaient bien guéries, mais tous mes autres maux me restaient, et quoique l'habitude m'y rendît moins sensible, c'en serait assez pour se croire aux morts à qui s'en trouverait attaqué tout d'un coup. En effet, ils étaient moins douloureux qu'effrayants, et faisaient plus souffrir l'esprit que le corps dont ils semblaient annoncer la destruction. Cela faisait que, distrait par des passions vives, je ne songeais plus à mon état. Mais, comme il n'était pas imaginaire, je le sentais, sitôt que j'étais de sang-froid. Je songeais donc sérieusement aux conseils de Madame Larnage et au but de mon voyage. J'allais consulter les praticiens les plus illustres, surtout M. Fils. Et, pour surabondance de précautions, je me mis en pension chez un médecin. C'était un Irlandais, appelé Fitzmaurice, qui tenait une table assez nombreuse d'étudiants en médecine. Il y avait cela de commode, pour un malade à 6 mètres, que M. Fitzmaurice se contentait d'une passion honnête pour la nourriture et ne prenait rien de ses pensionnaires pour ses soins comme un médecin. Il se chargea de l'exécution des ordonnances de M. Fils et de veiller sur ma santé. Il s'acquitta fort bien de cet emploi quant au régime. On ne gagnait pas d'indigestion à cette pension-là et, quoique je ne sois pas fort sensible aux privations de cette espèce, les objets de comparaison étaient si proches que je ne pouvais m'empêcher de trouver quelquefois en moi-même que M. de Tourignan était un meilleur pourvoyeur que M. Fitzmaurice. Cependant, comme on ne mourait pas de faim non plus, et que toute cette jeunesse était fort gaie, cette manière de vivre me fit du bien réellement et m'empêcha de retomber dans mes langueurs.